Ah, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah. Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Et oui, bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 Québec. Et oui, c'est une autre belle journée aujourd'hui qui se termine par votre émission favorite Puissance Maximale, en vous rappelant en même temps que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet www.puissancemaximale.com où vous trouverez des nouvelles et nos émissions que l'on a pu mettre sur le site, les deux dernières émissions qu'on a faites qui sont sur le site. Avec moi aujourd'hui, un chroniqueur, notre technicienne en stage, Madame Vanessa Maillot. Salut Vanessa. Et salut Andrew. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Monsieur Andrew? Bien, aujourd'hui, ça va être un gros spécial 3DS de mon côté. Je vais faire une critique d'un jeu et même peut-être deux, si le temps nous permet. Oh, contrairement à Nintendo, tu as de l'offre 3DS de ton côté. Je viens pour vendre mon produit. Je suis sur mon 31 aujourd'hui. Alors, on se rappelle qu'Andrew avait proposé la semaine passée à Microsoft de devenir consultant. Il se propose maintenant de devenir vendeur. Promo pour Nintendo. De mon côté, des nouvelles et encore des nouvelles sur le côté du jeu. On sait, on va parler convention aujourd'hui parce qu'on a une convention d'anime qui s'en vient en janvier prochain avec G-Anime 2012 à Gatineau et aussi des nouvelles qui sont sorties en fin de semaine lors du mini Comic-Con pour Comic-Con 2012 à Montréal. Donc ça s'en vient et un coup de gueule de ma part sur l'industrie du jeu. Alors, on va y aller en musique. On va commencer parce que là, on a un des grands poètes fédéralistes canadiens qui sort un nouvel album demain, s'il s'agit, mais qui est sorti sur iTunes hier, qui est passé à tout le monde en parle également, Monsieur Mononcle Serge. Et vu que le temps des fêtes approche, j'ai choisi une excellente chanson qui est « Noël est un jour comme les autres », une excellente chanson qui vous rappelle que effectivement Noël est un jour comme les autres pour bien du monde sur la planète. Et vous écoutez ça sur Puissance Maximale au 88.3 CKIA FM Québec. La messe de minuit, hostique c'est dole. Le vieux pédophile en soutane est heureux de voir autant d'enfants dans maison de Dieu. La chorale des grosses matantes chante des cantiques de cave. Les bonhommes cochons tiquent le cul des petits plantes de saison, pis ils bavent. Les flots impatients, y'en ont rien à crisser. Pensez qu'au cadeau, pour y gâter. Qu'est-ce que ce petit bon gars la marde, me semble y'a des volets qui se parlent. Quand on rentre à maison, j'irai bien dormir dans mes draps. Mais non, y'a l'hostie de réveillon, pour manger des tabarnak dans ton corps. Mais comme toi que je me dis, on dit mieux que ben d'autres, parce que Noël est un jour comme les autres, pour le dîner qu'il y a fait. Tu crois pas en Jésus, le petit nègre? Il reste en Afrique, on fait bien maigre. Encore quatre cadeaux qu'il faut que j'achète. C'est plein de monde partout, ça capote mes rêves. Il me reste rien qu'une heure, m'en pété aux flettes. Partout les speakers crachent Bruno Pelletier qui chante Noël. Claude Dubois, Sylvain Cossette, Mario Pelchon, Marie-Michel. Qu'est-ce que je laisse là, y'a toute la gang? J'sortirai mon slick, chanter flingue. Des bosses sur leur trente, serait plus belle que toutes ces saints. Si moi être la boule de Noël. Mais je reste en plan et on me ma caisse. Je fais un film comme eux autres pour passer à caisse. Que c'est que je fais là? Tout ça est grotesque. Qu'est-ce que je ferais une ligne de baisse? Wouah! Mais les nerfs, rien sans terre. C'est pas plus grave que ça. Parce que Noël est un jour comme les autres pour le petit deck qui a le sida. J'pense à la fille du IGA, j'sors ma graine puis j'me crosse. Pendant ces quelques secondes au moins, on dirait que j'ai moins mal à la tête. Et que le tabarnak de ton défaite et ton père vont du loin. Le gros géant par plus rouge va battre les parlées de famille super plates. Les matantes qui se forcent pour finir leurs assiettes. Puis après les fêtes, se mettent à dire regarde un peu autour de toi, les fêtes sont atroces. Tout le monde se force pour être souriant, mais on se fait chier à l'os. Et c'est Noël pour nous autres, c'est la podéose de notre insignifiance. On se doit en passant pour le nègre de fric, c'est un autre jour d'indigence. Le petit nègre, il meurt, on s'en tabarnak, on est plein de cadeaux. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, c'est, vous êtes de retour avec Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique. Et on commence par un petit segment de nouvelles. Alors, on vous parlait la semaine passée d'Electronic Arts, EA, qui était poursuivi là, aux États-Unis parce qu'ils avaient fait une promesse auprès de leurs consommateurs, surtout les joueurs de PS3. Tous ceux qui allaient s'acheter la version PS3 de Battlefield 2 allaient recevoir une copie gratuite. Bref, par le biais du PlayStation Network de Battlefield de 1943, il y a eu des poursuites qui ont été déclenchées. On a vu la nouvelle la semaine dernière par rapport à ça, parce que EA finalement ne voulait pas s'acquitter finalement de leur promesse, offrir cette copie du jeu à leurs joueurs, et voulait même pour un peu compenser leur offrir une version, leur offrir un DLC donc. Du matériel téléchargeable pour leur jeu Battlefield 3 à l'avance. Donc, mais ce qui s'est passé finalement, c'est que EA a décidé de donner Battlefield 1943 à leur consommateur PS3, et ça a été annoncé pour l'Amérique ici le 10 décembre. Je sais que pour l'Europe, ça va être c'est déjà fait, c'est à la fin novembre, et il y a aussi une date qui est sortie pour le Japon, mais puisque nous sommes en Amérique, le 10 décembre. C'est ce qui est prévu pour les joueurs de PS3 pour Battlefield 1943. Enfin, finalement, là, on va avoir quelque chose pour les joueurs de PS3. Les promesses de EA seront... finalement, ils vont tenir leurs promesses, malgré le fait qu'on peut douter quand même de la bonne volonté de EA, vu la poursuite qui s'en venait vers eux, qui avait été annoncée la semaine dernière. EA voulait pas aller... finalement, en tout cas... selon moi, ne voulait pas aller contre les consommateurs, mais surtout ne voulait pas avoir une poursuite pour entacher leur image. Déjà que présentement, ils ont encore quelques petits problèmes avec les serveurs de Battlefield 3, des petits problèmes au niveau du lag, des petits bugs sur les consoles et aussi au PC. Mais quand même, on voit qu'ils sont allés dans le bon chemin. On leur souhaite de continuer. Aussi, un jeu de combat qui a été annoncé sur PS3 et dont le titre est, j'espère, temporaire. Le titre du jeu serait Title Fight. Donc, un jeu de PS3 avec, finalement, les personnages des grosses franchises de Sony sur la PlayStation. On n'a qu'à penser à Nathan Drake d'Uncharted, qui est annoncé, Kratos de God of War, et aussi Sweet Tooth de Twisted Metal, des personnages qui auraient été annoncés. C'est comme semi-rumeur, semi-annonce, là. Un jeu qui s'appelle Title Fight, et qui ressemblerait, là, on entendait à un peu un style Smash Brothers là, pour le jeu Title Fight. J'ai hâte de voir. Écoutez, c'est sûr que si on a un petit J'espère que ce sera pas peut-être le même style que Smash Brothers, parce que c'est quand même... C'est le fun, c'est un super bon jeu de combat, ça fait des tournois incroyables d'ailleurs, mais moins cartoon peut-être, peut-être pas nécessairement un Mortal Kombat, mais quelque chose, on s'attend à quelque chose quand même d'intéressant. En tout cas, j'espère quelque chose d'intéressant qui sera peut-être pas un cartoon, type cartoon. Il y a aussi un autre personnage que j'ai oublié de nommer, c'est Cooper, de la franchise Infamous, qui a été annoncé également pour ce jeu-là. Fait qu'on espère, en tout cas, j'ai hâte de voir ça, en espérant que ça va être un jeu de qualité, qu'on va pas se ramasser finalement avec un produit pour finalement juste mousser les autres franchises. Donc, on disait Title Fight avec Sony, un jeu qui a été annoncé pour la PS3. Un autre jeu, écoute, des rumeurs, écoutez, des rumeurs qui sont sorties là, récemment, parce que là, il y a pas mal de rumeurs qui sortent depuis une semaine, parce qu'il y a beaucoup, il y a l'engin Frostbite 2 qui est utilisé pour le jeu Battlefield 3, qui serait utilisé pour d'autres franchises, entre autres pour la franchise Dragon Age. On est déjà en train d'entendre des rumeurs sur Dragon Age 3. D'ailleurs, rumeurs qui m'ont fait penser à un coup de gueule que je veux faire tantôt pendant l'émission. Donc, on entend, tu sais, sur Dragon Age 3, on sait qu'il y a quand même eu une... Moi, j'ai adoré Dragon Age 2. Je sais pas pour toi, Andrew, là, ce que si t'avais bien aimé comparé au 1. C'était médigé. Ouais. J'ai aimé. Ils ont fait certaines modifications que j'ai trouvées bien. Mais mon coup de cœur reste quand même le numéro 1. Là. Ouais. C'était intéressant de voir la tangente vers laquelle ils voulaient aller. Là. Mais je trouvais que c'était un petit peu trop à la Mass Effect. Ou peut-être trop restreint dans le choix du personnage, entre autres. On avait le champion de Kirkwall. Puis on restait dans cette... l'histoire était très linéaire finalement. Ben, en fait, c'est comme je disais, c'est, dans le fond, ils ont pris un format un peu à la Mass Effect. Dans le fond, on a le héros. Parce que le BioWare, c'est la même gang. Ben, c'est ça. Fait que, tandis que Dragon Age 1 laissait un petit peu plus de liberté, nous permettait un peu de nous promener un peu partout, faire nos affaires. Tandis que Dragon Age 2, je trouve qu'ils ont plus tendance à vouloir nous emmener vraiment un très point linéaire, précis. Ouais. Tout à fait certains événements. Puis tu sais, ça laisse pas vraiment l'impression qu'on écrit nous-mêmes notre histoire comme Dragon Age 1 avait fait. Mm. Moi, je l'avais bien aimé, mais ce côté linéaire-là, c'était à déplorer. Puis, ton opinion, t'es pas tout seul à l'avoir, Andrew, parce que la majorité de la communauté de gamers là, à travers le monde qui ont joué à Dragon Age 2, c'est un peu ce qui était ressorti. Et là, ce que EA veut faire, ce qu'on entend, c'est insérer un mode multijoueur. Bon, on en parlera tantôt de ce que j'en pense de cette technique-là pour essayer de raviver peut-être une franchise qui a mal été, qui est moins aimée, là, surtout pour un deuxième titre. Donc, on parle de multijoueur, on parle de joueur contre joueur, on parle de co-op, on parle de même de match où il y a un joueur qui pourrait jouer un dragon, se battre contre les personnages joueurs. Bref, des options comme ça qui ont été annoncées. C'est des rumeurs, il n'y a rien d'officiel. Mais moi, je dirais que je vois pas ça vraiment d'un très bon œil, parce qu'un RPG, on a rarement vu des RPG avec des modes multijoueurs. Parce que normalement, ils développent... Un mode coop, j'avoue. Moi, un mode coop, oui, ça. J'avoue. Mais pour les autres, c'est... Malgré que ça dépend de la façon qu'ils le font. Il y avait cette option-là Night 1, dans le 2 aussi, je pense. On pouvait faire des quests en multi, en coop. Ça, c'est un truc intéressant. C'est plus difficile un peu se coordonner. Dire, bon, aujourd'hui, on joue 3 heures à Neverwinter. Andrew, je t'appelle, puis on joue. Des fois, c'est peut-être plus compliqué un peu à céduler. C'est pas plus dur que de céduler une game d'Anno 2070. Ouais, ça, c'est sûr. Bref, c'est pas plus tough que céduler bonnes affaires. Donc, mais c'est ça, j'avoue que... Mais le côté co-op, j'ai hâte de voir ça. J'aimerais ça, essayer ça. Un RPG avec un chum comme ça. Mais peut-être, à ce moment-là, on devrait avoir peut-être justement un petit côté quest qui demande plus d'exploration ou qui demande plus aux joueurs de réfléchir plus par eux-mêmes. Comme ça, ça peut amener quelque chose d'intéressant. Mais sinon, l'affaire des dragons, des choses comme ça, les versus, si c'est intégré à même le jeu, dans le cas exemple qu'on a le jeu principal, puis si on va parler à telle personne, on peut tomber dans un mode multijoueur. Mais on voit que c'est quelque chose qui n'est pas dominant là, au niveau du jeu. Oui. Mais là, c'est sûr que qu'est-ce qui peut être un peu dramatique, c'est si EA se met à vraiment développer, BioWare, se met à développer énormément un mode multijoueur et ne mettre que l'emphase là-dessus. Ça tue le jeu, finalement. Mais là, c'est sûr que ça va être dramatique, parce que des RPG, on s'entend, à part les co-op qui sont intégrés, c'est rare qu'on voit des genres de choses comme ça. Sinon, ça va tomber être du hack and slash comme d'autres jeux qu'on a connus et d'autres jeux qui s'en viennent. Et non, je ne regarde pas vers vous, Blizzard et Diablo 3. Donc... Bref, j'ai hâte non, t'as pas pointé Diablo 3. Pas du tout, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, continuons. Ben, bref, vous verrez, de toute façon, on va en parler tantôt. Ça, ça va être mon coup de gueule. Ce qui se passe avec les jeux présentement, l'industrie du jeu, ça m'énerve. On va en parler tantôt avec Andrew. Autre jeu, une autre annonce de EA avec, encore une fois, le moteur Frostbite 2 qui est annoncé. La suite d'Army of Two. Et oui, et qu'est-ce qu'on a annoncé? Finalement, pas grand-chose, à part que ça va être du co-op. Il va y avoir le mode co-op, puis on va pouvoir jouer cette fois-là à 4. Puis comment ça va s'appeler? Army of Four. Évidemment, on aime l'originalité. Et on aime aussi... Ben, de toute façon, Army of Two, on s'entend que c'était pas... Ben, c'était pas révolutionnaire, c'était pas... Moi, personnellement, à mon opinion, je trouvais que c'était un peu un rip-off de Gears of War. OK. Le style de vue, le style de gameplay, ça ressemble beaucoup à Gears of War. Certains aiment mieux ça, certains vont peut-être me crier. Ça, c'est pas long, me semble, Army of Two. Effectivement, c'est assez court. Un jeu majoritairement axé sur le co-op. Si vous voulez jouer en solo, ben bonne chance avec l'ordinateur. On sait toujours qu'est-ce que ça donne, jouer en co-op avec un ordinateur. après ça, ben... peut-être certains vont lancer des pierres. Je fais référence à Jimmy Fortin. mais Army of Two, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu un rip-off de moins bonne qualité. Okay. Mais bon, il y a un charme, faut l'admettre. Mais Army of Four, est-ce qu'ils vont apprendre des erreurs des deux derniers puis mettre améliorer pour vraiment faire une grosse franchise? On va voir. C'est intéressant. Au lieu de juste faire, ben, faisons un autre, à peu près la même affaire avec des nouveaux décors puis juste mettre plus de joueurs. Encore là, on espère qu'il va y avoir quelque chose de mieux à... Ben, peut-être que la tangente Frostbite 2, justement, va emmener le petit plus qui manque au jeu. Mais là, on parle quand même juste d'un engin graphique. Là, je veux dire, ben, on parle d'un engin graphique physique aussi. Oui, je sais bien, mais je veux dire, c'est pas juste la réaction de l'environnement face aux actions du joueur, mais ça prend un scénario, ça prend. Oh oui, non, prend quelque chose d'intéressant, ça, mais le scénario a souvent été quand même bien là, dans les Army of Two. Là, ben, malgré que ça n'a jamais réinventé la roue, mais les scénarios sont quand même très bien là. C'est quand même bien scripté, ces choses-là. C'est juste parce que c'était le côté technique du jeu que moi je trouvais qu'il était maigre. Mais tu sais, s'ils prennent un moteur qui tue tout qu'est-ce qu'il y a sur le marché, puis ils mettent une histoire qui torche, ben on peut avoir quelque chose à succès. Effectivement, on espère que ce sera effectivement une franchise qui va aller en s'améliorant. On va aller avec une nouvelle quand même assez drôle, un jeu de South Park. On connaît South Park, on connaît cette émission que moi, personnellement, c'est dans mon top 5 des émissions à vie à cause de son côté critique de la société. C'est très, très, très vulgaire, là. Si on l'écoute au premier degré, là, je veux dire, effectivement, on s'attarde vraiment au côté vulgaire, mais il y a une critique incroyable de notre société à travers cette série-là. Et on va transporter l'univers de South Park dans une franchise de jeux qui va s'appeler Vite. Encore une fois, originalité oblige, South Park The Game. Et on nous annonce un RPG, donc un jeu de rôle, South Park, où on va incarner un nouveau dans la ville, un petit garçon ou une petite fille qui va arriver puis qui va aider la population à se sortir de nombreux pétrins. C'est pas mal ça. Ce qui est sorti comme storyline présentement. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une mission où il va falloir venger Edashu, tuer Kenny? Seul le temps nous le dira. Et surtout, Obsidian et THQ. Obsidian qui va développer le jeu et THQ qui va l'éditer. Quand même des bonnes compagnies qui ont sorti des bons titres. Là, moi, je pense à Obsidian là, que j'aime bien, qui ont sorti des bons titres. Et THQ aussi, là, qui ont quand même des bons titres à leur tableau d'honneur. Donc, c'est eux qui vont s'occuper finalement de nous amener ce roleplay avec la gang de South Park. J'ai hâte de voir. Et évidemment, les auteurs, Trey Parker et Matt Stone, vont être de la partie, vont faire des voix, entre autres, et s'occuper d'une partie ou la totalité du scénario. Là, c'était pas trop sûr. Mais bref, c'est pas juste une compagnie là, qui va prendre la franchise puis faire un jeu avec. Les auteurs, les créateurs de la série vont être là. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais bon, il y avait sorti un shooter dans les années... début des années 2000 sur Nintendo 64. C'était complètement débile. C'était complètement débile. C'était le fun pareil. Ouais, mais après un certain temps, on se tannait. Là, puis à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, donc pas mal moins difficile pour les jeux. Puis je me suis tanné assez vite. Mais quand on avait un Game Genie. Tu peux pas te tanner de lancer des boules de neige jaunes sur des ennemis. Et il était jaune, pourquoi? On vous laisse le deviner. Et avoir comme bazooka un lance-vache. Je veux dire, c'est assez... encore là, ça réinventait rien, mais c'était quand même assez drôle. Et une autre... On va continuer, parce qu'il n'y a pas juste South Park dans la vie. Une autre mais nouvelle... Mais tu es en feu, Mike, aujourd'hui. Tu es en feu. Plein de nouvelles. Ben, surtout sur EA, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui sont sorties la semaine passée puis cette semaine. Un autre... Ça, c'est un peu niaiseux. EA, qui sortirait une version... qui sort une version mobile de Tetris sur, entre autres, iPhone, puis qui demande un jeu à 99 cents. Donc, pour les amateurs de Tetris, c'est pas cher à payer. Mais ils vont offrir une... comment je peux dire ça? Il faut une version payante, dans le sens où on va, en plus de payer le jeu, on va payer un 3 $ par mois ou un 30 $ par année pour avoir accès, et je vous le donne en mille, à du contenu téléchargeable pour Tetris avec des badges. Et... Tetris, mesdames et messieurs. J'ai hâte de voir ce que EA va faire pour 30 $ par année pour réinventer et renouveler Tetris. Moi, j'attends. J'ai Tetris pour tuer, mais j'attends de voir ça. Si t'impressionnes, t'es-tu prêt à le payer, le 30 $ par année? Pas du tout. Parce qu'après 2 minutes de Tetris, mon agressivité monte à un niveau. Donc, j'ai Tetris pour tuer. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais moi, ça me plaît pas. Mais bref, bravo EA. Si vous faites de l'argent avec ça, ben, vous aurez un morceau de russe. Ou encore, vous pouvez m'engager comme consultant. Ben oui, Andrew va tout vous dire ça. Andrew a toutes les réponses, on le sait. Toutes. Donc, dernière petite nouvelle, mais pas la moindre. Une nouvelle à propos de Nintendo. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, en fait, dans les derniers mois, il y a eu une opération, une manifestation au niveau des groupes sociaux, des médias sociaux et sur Internet, qui s'appelait Opération Rainfall, qui était finalement des fans de jeux japonais, des jeux plus obscurs, mais quand même des grosses séries. On parle entre autres de Xenoblade Chronicles. En fait, la nouvelle que je vais vous annoncer finalement, là, c'est principalement à propos de ce jeu-là. Ils ont fait des pressions. Disons qu'ils ont beaucoup envoyé de messages à Nintendo pour leur dire « Hey, il y a vraiment des bons jeux qu'on aimerait savoir en Amérique qui sont pas édités, qui sont édités en Europe, au Japon, en Asie, mais pas en Amérique. » En fait... Les jeux souvent concernés, c'est les fameux RPG japonais. C'est ça, les RPG japonais, il y en a beaucoup qui se rendent pas ici. Les grosses franchises, on parle évidemment de, entre autres, de Final Fantasy, les Tales of, qui sont de plus en plus rares. Qui en sortent de moins en moins, qui est entre autres une excellente série d'RPG style à la japonaise. Et là, on a un titre qui s'appelle justement Xenoblade Chronicles, qui n'était pas supposé être édité du tout ici en Amérique. Mais après, justement, cette opération Rainfall, qui a été organisée justement par les fans de ces séries-là, Nintendo a plié. Ils ont décidé qu'en avril 2012, on aurait Xenoblade Chronicles ici en Amérique. Mais, évidemment, il y a un mais, ça va être une exclusivité GameStop. Donc, habituellement, le GameStop, là, vous connaissez un peu, le eBay Games, là, c'est toute cette gang-là. Et ça va être un lancement limité, donc il n'y aura pas des tonnes de copies comme chez Vidéotron. Donc, il va y avoir une certaine quantité de copies disponibles pour les joueurs. Donc, ça va être les vrais fans. Puis comme j'ai entendu sur plusieurs sites, j'espère que ceux qui ont fait des pressions vont aller l'acheter, le Christy de jeu, parce que si les gens le font pas, si les consommateurs sont pas au rendez-vous, mais Nintendo, c'est la dernière fois qu'ils vont faire ça. Là. Mais j'avoue là, qu'un lancement limité au GameStop, par exemple, puis qu'il n'y ait pas des tonnes de copies, ben ça énerve. Oui, ben les joueurs vont se présenter, ça c'est sûr. Surtout que c'est des jeux qui sont quand même pour les connaisseurs de RPG, de jeux de rôle, ben là. Ils vont vouloir être là puis avoir leur copie. Puis Andrew, je sais que t'es ce genre de joueur-là. Je sais pas si c'est spécialement pour ce jeu-là tu vas te déplacer, mais je sais que... Je connais malheureusement pas l'univers Xenoblade, mais j'ai vu des articles sur Xenoblade et ça m'a l'air, ma foi, d'un jeu extrêmement beau. C'est rare que j'ai vu des jeux sur la Wii avec un niveau graphique aussi élevé. Puis si vous êtes un fan de RPG, ce jeu-là a défoncé les critiques au Japon. Le moteur graphique est vraiment, mais vraiment beau. Puis j'ai vu des vidéos de systèmes de combat, puis ça a de l'air le fun. C'est une petite saveur à la Tales of, mais sans être Tales of. Ouais. Puis... les personnages féminins, si vous êtes le genre de gars qui aime les personnages féminins des jeux japonais, ben style, vous allez être servi. C'est l'anime. Ouais, c'est l'anime. Puis que t'es que la chevalier a une armure full plate, mais la full plate elle couvre rien pour protéger. Okay, ben c'est ce genre de fille là. On voit le genre. Fait donc, que c'est très intéressant. Bref, finalement les joueurs qui se sont unis ont eu raison. Évidemment, c'est toujours plus payant pour une compagnie d'aller dans le sens des joueurs jusqu'à un certain point. Ben moi, la seule chose que je peux dire, je passe un léger message là-dedans, parce que moi, étant collectionneur un peu de jeux, je suis toujours le gars qui cherche les petits jeux de studios indépendants, tout ça. Et si vous êtes des fans d'RPG, Nintendo, présentement, sont en train de faire un peu une petite faveur aux Américains. Puis justement, on a de moins en moins de jeux de RPG japonais, parce que justement, il y a de moins en moins de monde qui les achète. Je vous dirais, on est dans un monde où il y a beaucoup de monde qui pirate les consoles, des choses comme ça, autant sur le PC que quoi que ce soit. Je dirais, ce genre de jeu-là, c'est des bijoux, ça vaut la peine de les acheter, parce que sinon, ça tue le marché d'importation en Amérique, puis ça fait en sorte que c'est ce genre de produit-là qu'on n'aura jamais en anglais, que même si vous voulez pirater le jeu, vous ne l'aurez pas en anglais, parce qu'il n'a pas été édité. À moins que vous soyez un fan, vous soyez capable de parler japonais. Fait que je vous dirais, si vous êtes un fan, dans ce genre de circonstances-là, même si vous n'avez pas participé aux manifestations d'opération, je ne m'en rappelle plus le nom d'opération. Opération Rainfall. C'est ça, cette affaire-là. Mais prenez le petit 40, 50, 60 $ puis allez acheter une copie du jeu. C'est généralement, vous ne le regretterez pas, puis ça va être un bon divertissement, bien investi, surtout pour des RPG. Excellent! Donc, c'était tout pour les nouvelles ludiques, principalement sur le jeu vidéo. Encore une fois, on s'excuse. Si vous avez des bonnes nouvelles, d'ailleurs, www.puissancemaximale.com sur le jeu de plateau aussi. Nous, dès qu'on en a, de reçoit des nouvelles, on les communique, évidemment. Et envoyez-nous un petit courriel ou venez sur notre Facebook, Puissance Maximale. Vous allez nous retrouver pour nous envoyer un message. On va continuer en musique avec une très bonne chanson. On reste dans le thème Skyrim encore cette semaine avec, je pense, une découverte pour plusieurs internautes, dont les studios Bethesda qui ont parlé de cette fille-là. Une fille qui a fait un cover finalement du thème principal de Skyrim, du jeu Skyrim, en faisant une petite touche personnelle. Très très beau, très relax, très soft. Vous allez voir, c'est une excellente chanson. Vous pouvez retrouver ça sur internet, vous allez voir. Ça s'appelle Dragonborn et c'est une fille qui s'appelle Malika, si je me rappelle bien. Elle a un channel sur YouTube. Tapez ça sur YouTube, vous allez trouver ça tout de suite. Il y a même du monde qui ont déjà commencé. C'est sorti il y a pas longtemps, ça fait même pas une semaine, je pense. Et il y a du monde qui font des montages vidéo avec cette chanson-là. Au-dessus de 5-6 millions qui ont déjà vu son vidéo. Et justement, les studios Bethesda en ont parlé sur leur site. Donc, vous allez voir, c'est un excellent cover, comme on dit dans le monde musical, du thème principal de Skyrim avec Malika et Dragonborn. Vous écoutez ça à puissance maximale à CKIA FM 88.3. Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. Oh oui, on est de retour. Merci Louis-Philippe pour nous réintroduire ici à Puissance Maximale. On va y aller avec une critique d'Andrew sur un jeu de la 3DS, Super Mario Land 3D, c'est tout ça? C'est Super Mario 3D Land. 3D Land, excusez-moi, monsieur. Donc, tu as joué à ça, Andrew. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est une aventure fraîchement faite pour la 3DS. Je vous dirais, quand on a écouté le 3 ensemble sur Skype, comme on faisait, on se disait, waouh, des belles brochettes, belle série d'annonces au niveau de Nintendo. Non, belle brochette de jeu, c'est ça. Ouais, belle brochette de jeu, ouais. J'ai comme pensé de travers. On a faim, hein? on a tous faim, on n'a pas encore mangé. On fait bien des choses, bien des sacrifices pour vous, auditeurs de Puissance Maximale. Mais tu sais, on s'était dit, waouh, t'es beaucoup de jeux, tout ça. Puis Mario en était un, d'ailleurs, qui m'était tombé dans l'œil. Je me disais, waouh, hein, un Mario sur 3DS, ça doit être impressionnant. Un nouveau titre Mario, c'est toujours. On a toujours mais joué à ça. Qu'est-ce qui avait frappé sur celui-là, c'était le retour du fameux Tanuki Suit. Si vous vous rappelez, la fameuse feuille magique de Super Mario 3 au Nintendo ordinaire qui nous permettait de se transformer en genre de costume de raton, bizarre. Ouais. D'ailleurs, bizarre, qu'on pouvait se transformer en statue. D'ailleurs, récemment, on a vu avec PETA, qui est l'organisation américaine pour la protection. Ben, pas. C'est un peu pour dénoncer l'utilisation, entre autres, de la fourrure. Ils ont vraiment bâché Mario récemment par rapport à ça. Si vous voulez savoir mon opinion, allez sur le canal YouTube de Brent Allfloss, ouais, c'est artiste qu'on a parlé souvent à Puissance Maximale. Donc, on va entendre une chanson plus tard. Donc, on va entendre une chanson tantôt. Et écoutez son vidéo à propos de son commentaire sur les PETA. Ça représente bien mon opinion également. Bon, pour résumer, là, c'est vraiment une façon imbécile d'aller chercher de la visibilité et de l'attention parce que ça reste quand même Mario. Il n'y a personne de plus inoffensif que Mario. Ben, en fait, je vais utiliser un terme que Brent Allfloss utilise. Mario, c'est Mickey Mouse. Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent dans l'univers du jeu vidéo. C'est ça. Et c'est pas parce qu'il pogne une feuille magique et qu'il se ramasse dans un seau de raton laveur qu'il a forcément tué le raton laveur pour voler sa fourrure. C'est complètement ridicule, mais bon. Bref, une belle polémique encore à la PETA. Allez voir ça sur Internet. Ils ont même fait un jeu... une version PETA. Qui est, ma foi, très troublant. C'est quand même drôle. Mais, ouais, où on voit Mario qui porte la peau, mais la peau est encore sanglante. Puis là, quand il tue des. Non, c'est à la PETA, vous allez voir. Mais bref, revenons au jeu. Oui. En fait, on retrouve tous les éléments. Mais en fait, le jeu ressemble énormément à New Super Mario Bros. Qu'il y a eu sur la Wii et autant sur la DS. On parle d'un jeu où on part d'un point A, on doit se rendre à un point B. T'sais, c'est pas comme à la Mario 64, on n'a pas le même tableau qu'on refait 8 fois pour avoir 8 étoiles. C'est vraiment point A, point B. Mario classique. That's it, that's all. Il y a des mondes avec 8 tableaux. C'est quand même classique. On est resté dans le rudimentaire, on est resté simple. Et la seule différence, c'est plus que c'est 3D Land, mais on se promène dans le tableau à la Mario 64. Donc, on parle quand même de plateforme ouverte. On peut se promener vraiment dans l'univers 3D. Et je vous dirais, à date, c'est pas mal l'un des 3D les plus convaincants que j'ai vu sur la 3DS à date. Okay. On peut avoir, dans le fond, trois méthodes de visualisation 3D sur la 3DS pour ce jeu-là. On a le mode de relief. Qui est dans le fond, si vous avez déjà vu une Nintendo 3DS, en fait, c'est comme si on regarde à travers une fenêtre puis il y a une boîte. Tu sais, c'est pas un 3D qui sort de l'écran comme la pub laissait présager, c'est vraiment une boîte. Tu sais, on regarde dans une boîte puis on voit des personnages en 3D dedans. C'est ça le 3D que la 3DS fait. Mais dans Mario 3D Land, le 3D, il vient faire un relief sur l'écran. Au lieu de regarder dans une boîte, on voit la surface plane et on voit légèrement sortir les éléments de l'écran, comme au niveau d'un. Dans le fond du relief. Okay, ouais. Sinon, la deuxième façon qu'on peut mettre le 3D, c'est de le mettre comme tous les autres jeux à la méthode un peu boîte qu'on voit à l'intérieur. On choisit tout simplement celui qu'on voit le mieux, qui nous permet d'avoir une expérience de jeu la plus agréable. Donc c'est réglable là, le niveau du 3D. Oui, on c'est tout simplement flèche par en haut pour le relief, flèche par en bas pour la mode boîte qu'on reconnaît dans le fond là, de tous les jeux de 3DS actuellement. Et on a le fameux gradateur sur le côté là, qu'on peut tout simplement baisser et augmenter l'effet 3D. Sinon, le jeu en tant que tel n'est pas terriblement dur. Si vous êtes un habitué là, de Mario, vous allez quand même facilement passer à travers. Faut dire que je suis rendu à 64 vies aux trois quarts du jeu. T'sais, c'est quand même assez haut. Mais faut dire que c'est pas le premier Mario que je passe, comme je disais. Puis si vous êtes des habitués de longue date, il réinvente pas la roue. Du monde qui sont pas forcément habitués à des jeux de plateau, des choses comme ça, ou qui ont pas forcément joué au vieux Mario old school, qui était quand même assez difficile à l'époque, vont quand même en avoir pour leur chance. Il y a certains tableaux que j'ai recommencé une couple de fois, mais en soi, c'est bien balancé. Un bon challenge pour les nouveaux, très intéressant pour les anciens. Tu es bien balancé. Pour les connaisseurs de Mario. Ouais. Exactement. Sinon, en tant que tel, l'histoire reste simple. Lors d'un orage, l'arbre Tanuki a perdu toutes ses feuilles. Laisse-moi deviner, est-ce que la princesse est enlevée par Bowser? Oui! Ah ben, maudit! Ouais, ben en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'arbre Tanuki a perdu toutes ses feuilles après un orage. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que le méchant Bowser en a profité pendant cet orage pour kidnapper la princesse Peach et récolter des feuilles de Tanuki pour donner à ses soldats dans ses fameux loyaux Goomba et Koopa et compagnie. On a même vu des Twomps, les fameux gros carrés là, qui se laissent tomber, qu'on arrive proche, ouais, avec des queues de Tanuki. Je sais pas du tout à quoi ça leur sert. Mais il y en a. Fait que, t'sais, en fait, c'est comme une manière dérivée de donner plus d'opportunités à Mario d'avoir le Tanuki Suit. Et Dieu sait depuis combien de temps les fans de Mario disaient « On veut le Tanuki Suit, on veut le Tanuki Suit dans le prochain Mario », puis ils le faisaient pas. Mais si vous en voulez... Il n'y en avait pas eu depuis Mario 3. Depuis Super Mario 3. Il a été introduit, puis il a été enlevé par la suite. Mais si vous en voulez, vous allez être servi en tabarouette, parce qu'il y en a de la feuille dans ce jeu-là. C'est rare qu'on a autre chose qu'un saut de Tanuki, mais il est le fun. Qu'est-ce que vous voulez? On a tous les autres pouvoirs. Est-ce qu'on les retrouve tous en tard? Non. En fait, pour le bien du 3D, ils ont enlevé le vol du Tanuki, parce qu'on se rappellera que le Tanuki saute, on pouvait courir, de voler, ouais, et on pouvait voler. Ils ont enlevé ça. Ils ont remplacé ça par le planage. Dans le fond, que quand on appuie répétitivement sur A, ben, on va planer les airs plus longtemps et on ne peut plus se transformer en statue. Ah. Mais on donne des coups de queue, comme avant. Dans le fond, ils ont enlevé les deux choses qui faisaient en sorte que... C'était intéressant. Ben, pas forcément, c'est juste parce que ça s'intégrait mal dans un univers 3D. Ok, ouais. Ouais, j'avoue que la statue pourrait peut-être poser problème, puis le vol, ça devient compliqué pour c'est eux. C'est ça, mais ça cause que, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que le vol, c'était une question de perspective. C'est avec le 3D, ça faisait en sorte que ça aurait été trop difficile à visualiser. Mais en même temps, le type de tableau dans lequel on joue n'est pas propice à ce qu'on se mette à voler. Ça ferait en sorte que les tableaux seraient trop faciles, puis on se rendrait à la fin en un rien de temps. Mm-hmm. Puis le statue. Mais avec le genre de tableau qu'ils ont fait. Ouais, c'est ça. Puis la statue, ben, t'sais, ça servait beaucoup quand on passait à travers des boules de feu, des choses comme ça, parce que dans un univers de deux dimensions, il y avait des endroits où c'était quasiment impossible de passer sans voir le Tanuki Suit. Tandis qu'en 3D, c'est une toute autre perspective. Fait que ça fait en sorte que c'était moins propice. Mais t'sais, peut-être que plus que le monde, les fans ont bien réagi au Tanuki, ben, probablement ils vont le remettre dans d'autres jeux. Puis t'sais, s'ils refont un autre New Super Mario Bros. Vraiment en 2D, comme ça, oui, peut-être qu'ils vont récupérer les pouvoirs qu'il y avait à l'époque. Peut-être qu'on va retrouver une version Wii U. D'ici quelques temps. Peut-être, on sait jamais. Mais quand même un jeu intéressant, une bonne durée de vie. Quand même, pour un jeu Nintendo, j'ai été surpris. Il était quand même un prix correct. Je m'attendais vraiment à payer. Parce qu'habituellement, les jeux Nintendo, même pour la Wii, la Wii qui est de moins en moins populaire, dans le sens où ça fait quand même un petit bout que c'est sorti. Les prix chutent de plus en plus dans les magasins. Puis les jeux restent quand même assez dispendieux. Mais t'sais, on parlera pas d'une grosse baisse de prix versus certains jeux, mais t'sais, je m'attendais en arrivant au magasin à payer 49,99 comme la majeure partie des jeux de Nintendo sur la 3DS, mais il était à 44. Ouais. Donc c'est quand même 5$ qu'on peut dépenser sur un autre jeu. Exactement. Fait que t'sais, c'est je trouve ça bien parce que t'sais, ça brise un peu la routine du fait que tout ce qui est Mario, tout ce qui est Nintendo est hors de prix. Ça reste quand même, c'est plus cher qu'un jeu à 39 ou à 29 qu'on en retrouve des parties tierces. Mais pour un jeu Nintendo, déjà à sa sortie 44 versus 49, je trouve ça se prend bien. Donc on est content, enfin un nouveau Mario sur la 3DS, puis d'après ce que tu peux dire, il s'agit d'une expérience le fun là, pour les fans. Donc. Tout fan de Nintendo, recommandé à 100%. Si vous cherchez des cadeaux de Noël et que vous avez quelqu'un qui a un 3DS qui n'a pas le jeu, c'est un must-buy. La suggestion Andrew de la semaine pour Noël, pour les fans de Nintendo et de Mario. Donc, facilement, je dirais, sur la 3DS actuellement, c'est j'ai pas à jouer à Mario Kart. Je savais même pas qu'il était sorti. J'ai vu du monde parler de Mario Kart 7 sur la 3DS. Fait que peut-être qu'il est sorti, je sais pas. Mais tout ça pour dire que je l'ai pas essayé. Mais t'es dans les jeux vraiment 3DS actuellement, je mets facilement mon jeu de l'année, là, ma recommandation de l'année sur les jeux 3DS sur le Mario 3D Land. Excellent. Bon, mais c'est Andrew avec Super Mario 3D Land sur la 3DS de Nintendo. Alors, merci Andrew pour cette belle critique. On va continuer en musique avec une autre chanson de Noël, finalement. Une chanson d'album qui sont quand même un peu vieillots, mais qui restent et des excellentes chansons. Des albums Noël dans la rue, pour les connaisseurs de métal et de vieux rock québécois. Des versions, finalement, rock et métal. Des chansons de Noël populaires. Et là, si je me rappelle bien, je me rappelle plus du nom de la chanson qu'on va aller voir, mais vous allez la reconnaître assez facilement. C'est par le groupe Barf. Donc, ceux qui connaissent Le Petit Poisson, c'est Le Mouton Noir aussi, des chansons populaires de ce groupe-là québécois, mais on va les entendre avec, je pense que c'est Minuit Chrétien. Donc, vous allez voir une version métal de Minuit Chrétien à la québécoise, ici à Puissance Maximale, au 88.3 FM. Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Mais voilà, ça a coupé plus rapidement qu'on pensait. Mais bref, vous avez vu une excellente version de Minuit Chrétien par Barf. Que nous pourrons avoir l'honneur d'écouter dans l'église la plus proche de chez vous, mais oui, lors de la messe de minuit. Mais oui, tous les prêtres vont l'accepter, ils vont le faire jouer dans leur église. On va continuer en parlant convention, parce que la grosse saison des conventions est terminée, mais elle va recommencer rapidement, entre autres avec J-Anime 2012 à Gatineau. D'ailleurs, tu me dis ça, là, je me demande vraiment si ça a une fin la saison. Ouais, mais c'est ça, hein. C'est, ça revient tout le temps pour les fans. Vous allez voir, il y a tout le temps quelque chose. Il y en a tout le temps des conventions. Aux États-Unis, au Canada, il y en a de plus en plus pour de plus en plus de sujets. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, si vous voulez avoir les conventions les plus pointues, ou plus généraliste, il y a de tout aux États-Unis. Puis de plus en plus au Canada, on retrouve de, pour tous les goûts, finalement. Ben, c'est toujours un cycle, hein. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ça ben, vient, c'est ça. Part. Ben, profitez-en pour on les fans. On est dans le pic. C'est ça. C'est profitez-en dans... pour les fans parce que à Québec, on en a deux. On y en a une à Gatineau, il y en a plusieurs. Ben, à Montréal. Il y en a une même qui commence en Abitibi. Ben oui, on a su ça récemment, là, qu'il va y avoir une convention d'animé à Rouyn-Noranda. Donc, à je me rappelle plus du nom, là, mais c'est sorti la semaine passée, j'ai vu ça. Donc, pour les fans qui sont en Abitibi et qui nous écoutent, vous aurez votre convention d'animé dans pas long. En il fait. En manque juste une en Gaspésie. Ben oui, pourquoi pas. Mais on attend ceux qui veulent proposer le projet, on est prêt à les aider. Donc, entre autres, c'est parce qu'il y a eu des nouvelles entre autres, qui sont sorties en fin de semaine, parce qu'en fin de semaine, c'était le mini Comic-Con animé et comics, évidemment, comic books. Et il y a des noms qui sont sortis pour les invités de l'édition 2012. On se rappellera que l'édition 2011 était assez épique côté invité. On s'appellera de Stan Lee, Adam West, Burt Ward. Donc déjà, juste ces trois noms-là, c'était assez malade. Là. Mais justement, Michael, dis-moi. Je vais te poser la question. Oui. Est-ce que 2012 va être à la hauteur de 2011, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que je vais être capable de rentrer cette année? Et il faut rappeler que j'avais pas eu le temps finalement de faire mon podcast que je voulais faire cet été par rapport à Comic-Con, parce qu'à Comic-Con 2011, il y avait eu des gros problèmes de logistique, entre autres à cause de l'organisation de Comic-Con qui s'attendait pas à voir autant de monde se présenter. Il faut dire qu'il y a vraiment eu un achalandage monstre à Comic-Con 2011 qui est à Place Bonaventure cette année. Vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui se sont présentés, mais en même temps, il y a aussi les fans qui sont un peu à... Je veux dire, on se pointe pas à une convention à midi, pas de billets de pré-vente, puis s'attendent à rentrer rapidement dans une convention. Je posais la question, mais moi, je suis rentré parce ouais, que, moi, que en nous, tant que nous, on est... personne de convention, j'avais prévu le coup. Ben, nous, on était bénévoles. Nous, on est allé donner un coup de main à la convention. Donc c'est on... ça que j'ai dit. On a tout prévu. On a tout prévu. On a pu profiter de la convention et aussi aller donner un coup de main. Entre autres, moi, j'ai donné, très chanceux, j'ai donné un coup de main au photo booth, bref, à la prise de photo avec Stan Lee. Donc, j'ai pu voir Stan Lee de très proche. J'ai aidé aussi pendant, justement. Moi, j'ai pu assister à toutes les conférences des gros invités. Effectivement, moi aussi, on était là, moi et toi, on aidait là, pour placer les invités, les VIP, puis les gens dans la salle. C'est qu'on était bien, bien, bien content de tout voir ça. Puis on a vu, entre autres, le Stanley, on a vu Batman. Bref, Batman, Robin, il y avait des invités de Star Trek, il y avait James Marsters de Buffy qui faisait Spike, qui était là et qui va revenir l'année prochaine. Parce qu'il était très, très, très populaire et ils vont le réinviter. Le gros nom qui est sorti en fin de semaine pour Comic-Con 2012 est quand même très gros. C'est William Shatner, Captain Kirk, des Star Trek originaux et des films, des premiers films de la série. Ben, qui est Montréalais d'ailleurs d'origine, William Shatner, qui est Canadien, entre autres Montréalais d'origine, alors qu'il va venir faire son tour à l'été 2012 pour Comic-Con. On a James Marsters, qui a été réannoncé, je vous l'ai dit, et une idole, c'est comme un peu mon idole à la... Comment je peux dire, à la Chuck Norris dans mon cas, Kevin Sorbo, celui qui a incarné Hercule, qui passait à TQS pour nous et qui a passé je me rappelle plus à quel poste américain dans le temps, la série Hercule qui a donné naissance entre autres à Xena et toutes ces affaires-là. Donc, le petit boom des années 90 là, sur la mythologie gréco-romaine. Mais on avait Kevin Sorbo, l'homme aux cheveux longs qui jouait Hercule, va être là. Il a été annoncé à Comic-Con 2012, moi, juste pour ça. Parce que ça, c'est un peu mon icône rigolo. Moi, je trouve ça très drôle parce que, à part ça, il a joué dans Cole le Conquérant et Andromeda. C'est ce que moi, j'ai vu. Donc, un peu mon icône geek rigolote, un peu à la underground. Semi-underground, à la Chuck Norris, un peu. Là. Mais est-ce que Chuck Norris, un jour, va être invité à la Comic-Con? Qui sait, on sait pas. Surtout que là, présentement, Blizzard l'utilise, Chuck Norris, pour relancer World of Warcraft, qui perd de plus en plus de terrain. Ça fit quand même, surtout que la prochaine expansion qui est annoncée, il y a des pandas qui font du kung-fu. Mais voilà. Donc, peut-être que... Mais bref... Kevin Sorbo va être là et un autre gros nom qui était supposé être là en 2011 qui n'a pas pu se présenter pour des raisons de santé. Je pense savoir c'est qui. C'est monsieur Dave Prowse, Darth Vader. Finalement, c'est le Darth Vader. Quand je dis Darth Vader, c'est l'acteur qui incarnait Darth Vader lors pendant le tournage des films, finalement, de la première trilogie. C'est pas la voix de Darth Vader, c'est bien le colosse qui était dans le costume. Là. Ça y est, je vais être obligé de me pointer encore une autre année à la Comic-Con. Parce qu'on l'a manqué, nous, c'est une des raisons pourquoi on était allé entre autres à aider. On voulait voir ce personnage-là, ce colosse-là dans le costume de Darth Vader, mais il n'avait pas pu se présenter pour des raisons maladie. Mais c'est le fun de voir que c'est bien remis. Ouais, ben, s'il peut être là en 2012, c'est sûr. Donc, ça, c'est les quatre gros noms que j'avais retenus qui sont sortis. Il y a d'autres noms aussi qui sont ressortis. Il y a le gars qui jouait Xander aussi dans Buffy qui va être là. Il va y avoir d'autres personnes aussi, des dessinateurs de Marvel, des artistes. Bref, il y a beaucoup de monde. Il y a toujours. Faut se rappeler que le Comic-Con, c'est pas le même concept qu'une convention d'animé. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup axé sur les invités. Et les marchands. Et les marchands. C'est vraiment. Il faut aimer. Il faut avoir accès. C'est parce que ça donne. Moi, personnellement, c'est sûr que moi, je trouve que c'est un peu cher payé pour aller magasiner, mais ça donne quand même accès à des marchandises qui peuvent être assez rares, qui on retrouve pas à tous les coins de rue, même chez nos marchands de comic book préférés. Ben, je fais juste repenser à la petite l'affaire de figurines que tu avais vue de Star Trek, justement. Ceux qui connaissent Star Trek, le Amok Time, donc dans la série originale, où on entend la fameuse musique de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon, ça, c'est le bout dans la série où il y a un duel entre Kirk et Spock avec des genres de H Q-tips. Là. Bref, c'est assez drôle. Mais il y avait un set de Star Trek qui vendait avec tous les personnages qui étaient là. Ça valait une fortune. Mais pour les collectionneurs, c'était un paradis aller là. Donc, puis c'est les gens qui veulent voir leurs idoles. C'est sûr que c'est payant. Il faut payer pour les autographes et tout. Mais il faut penser aussi que ces personnes-là, la plupart du temps, c'est un peu leur revenu. Il y a des gens qui ont pas vraiment refait de série. Fait qu'ils font le tour des conventions partout dans le monde. Puis ils vendent leurs photos. Oui, il faut dire aussi que ce format-là est très américain aussi. Si vous allez dans les festivals américains, autant animé que comic book... tous les artistes invités, ils chargent pour les autographes, ils chargent pour les photos. C'est comme ça. C'est le même aussi dans l'animé de plus en plus. Il faut payer. Mais c'est normal. Je veux dire, il y a des gens, la plupart des conventions, surtout les plus petites, peuvent pas se permettre de payer des cachets aux invités tout le temps. C'est ça, mais aussi en même temps, il y a plusieurs invités que c'est des gens retraités aussi dans certains cas. Ben, c'est comme je disais tantôt. C'est leur source de revenus. C'est ça. Mais dis-moi, Michael, où va être la Comic-Con 2012 cette année? Ne sera pas à Place Bonaventure parce qu'à cause des problèmes, entre autres, parce que Place Bonaventure, des problèmes de gestion de foule qu'il y avait eu, c'était entre autres leur responsabilité de s'en occuper. Mais ça, ce qui n'a pas été fait, des problèmes avec la gang de Comic-Con aussi. Donc, ils ont décidé de manager ça à un endroit, un gros endroit, et je vous le donne en mille, à Montréal, le Palais des Congrès, au même endroit où se tient Otakuton à chaque année, là, la plus grosse convention d'animé dans l'est du pays. Ça tient aussi à Montréal, au Palais des Congrès. Bien, Comic-Con déménage là aussi. Donc, ceux qui connaissent déjà Otakuton vont se retrouver facilement lorsqu'ils vont arriver pour aller à leur convention de comic book. Mais on peut dire que c'est quand même une belle évolution pour Comic-Con. Ben, assez rapide, parce qu'ils ont augmenté substantiellement le nombre de personnes qui se sont présentées à la porte cette année. C'est leur combienième année? Bonne question. Je pense que c'est leur quatrième. Troisième, quatrième, mais... S'il y a quelqu'un de Comic-Con qui écoute, vous pourrez m'envoyer des courriels pour me dire des bêtises si j'ai pas la bonne information. J'ai pas d'ordinateur proche pour regarder. Mais c'est dans ces eaux-là. Donc, c'est monté assez vite, mais il faut dire que là, cette année, il avait donné un gros coup en 2011 avec le nombre d'invités, premièrement, puis la qualité des invités. Stan Lee, Stan the Man Lee, là, était là. Donc, puis, Adam West, Burt Ward. Juste ces trois noms-là, ça a attiré beaucoup de monde. Puis j'étais là pendant sa conférence. Il y avait du monde dans la salle. Pensons maintenant, Comic-Con, donc ça s'en vient, ça va être l'été prochain, j'ai pas eu de date présentement, mais c'est des gros noms qui sont sortis pour les invités. Si ça vous intéresse, Montréal, ça vaut la peine, c'est un bon feeling, c'est vraiment le fun d'y aller. C'est effervescent comme atmosphère quand on se rend dans une convention comme ça. Un autre type de convention, G-Animé, donc G, trait d'union animé, 2012 à Gatineau, donc une convention principalement justement d'animation japonaise. On voit de plus en plus de steampunk aussi qui vont s'intégrer à G-Anime juste dans leur logo cette année, on l'a vu. Donc plein d'activités, encore une fois pour les connaisseurs, ça va se passer au Palais des Congrès de Gatineau pour la quatrième année, si je me rappelle bien. Et aussi, cette année, il va y avoir un volet plus tard, un peu plus nocturne, à Tell Four Points, qui est lancé, qui est vraiment collé. Ça, c'est une des choses qui avait été reprochée souvent à G-Animé. Ils fermaient de bonne heure. Mais le problème, souvent, c'était même pas l'organisation. C'est comment le Palais des Congrès et l'hôtel. Mais c'est bien de voir qu'ils ont réussi à faire un arrangement, là, justement. Là, c'est pour... ça, parce que ça finissait quand même vers 11h30, ce qui est quand même assez tôt pour une convention. Donc, bref, des projections qui vont se faire à l'hôtel pendant une partie de la nuit. On a dans les invités, évidemment, le gros nom cette année, c'est Franck Pitiot, qui est Franck Pithiot? C'est le Perceval de Kaamelott, le Kaamelott d'Alexandre Astier, le Kaamelott humoristique qu'on retrouve sur la chaîne Historia au Québec et sur M6 en France. Ceux qui ne connaissent pas Kaamelott, vous êtes des indignes. Allez voir ça sur Internet. T'appelez Kaamelott, mais K-A-A-M-E-L-O-T-T. Allez voir ça sur... c'est malade. Actuellement, ouais. Imaginez qu'on vous pointe du doigt si ouais, vous ne savez ça. Pas de quoi qu'on parle. Ben, c'est la tête en signe de honte. C'est excellent. C'est une série, moi, que j'ai découvert pendant que j'étais à l'université et je suis un fan fini. C'est un truc que je me tente jamais d'écouter. Un truc où je me bidonne à chaque fois. C'est quelque chose qui a évolué dans un, vers les dernières saisons, vers quelque chose de plus sombre. Mais, je veux dire, ça, c'est tellement bon que c'est, il faut, faut voir ça. Donc, Franck Pithiot qui joue Perceval, mais qui est aussi un musicien et aussi qui s'occupe des techniques de doublage en France. C'est aussi une des raisons parce que Luc Biron, président de la société d'animation japonaise de Gatineau, est un gros, gros fan du doublage francophone. Et surtout, des produits francophones aussi. Et des produits francophones et surtout ce qui est fait au Québec, mais aussi ce qu'il fait en France. Et c'est pour une des raisons pourquoi il a invité M. Pithiot à se présenter à J'Animé et il a accepté. Votre humble serviteur, Michael, moi-même, j'essaierai de me rendre à Gatineau pour avoir une petite entrevue avec M. Pithiot. J'espère pouvoir me rendre et pouvoir lui parler avec lui. D'ailleurs, si vous voulez être au courant de ses péripéties pour trouver un livre, abonnez-vous à sa page Facebook. Ouais, c'est ça. J'essaie de me trouver un transport pour aller à Gatineau pour les intéresser. Vous allez sur ma page Facebook ou sur la page Facebook des Puissances Maximales. Je suis preneur. Aussi, évidemment, des artistes, des cosplayers. Ben, des cosplayers, on sait, c'est ceux qui participent au concours à la mascarade. Donc, ceux qui font leur les costumes de leurs personnages préférés, entre autres des séries animées. On a du monde, des invités du monde du jeu vidéo, évidemment. Entre autres, M. Alexandre Lalancette, qui faisait partie de l'équipe gagnante du bivouac urbain cette année. Un employé de Binox. Donc, un gars de la place, bref. Un gars de l'industrie de la place. D'autres activités, évidemment, les classiques panels et ateliers qui sont donnés, entre autres, par les invités, mais aussi par les festivaliers qui vont parler de leur passion, ce qu'ils aiment faire, entre autres sur le costume, les types d'animés qu'ils préfèrent, bref. Si je peux me rendre par façon monétaire, je devrais normalement animer quelques panels. Normalement, Luc Biron est friand de mes panels, donc si je me rends, j'aurai pas le choix, il va me tordre le bras. Ben, on veut. Moi aussi, j'aime ça faire des panels. Donc, pour ceux qui seront les auditeurs de Puissance Maximale qui seront là, écoutez, venez nous voir en personne, écoutez un de nos panels, venez nous parler. On est très gentils. Il va y avoir aussi, effectivement, aussi des projections tirées animées, autant au Palais des Congrès qu'à l'hôtel, on va en parler. Salle de jeu. La salle de jeu de l'année passée était malade. Il y avait des arcades. Il y avait, entre autres, il y avait un flipper. Il y avait des jeux. Il y avait Ludo Taouet qui était là. On avait parlé avec un de leurs représentants l'année passée. Il y a encore une fin de semaine de jeu là, qui s'est passée avec la gang de Ludo Outaouais récemment. Ça vaut la peine. La salle de jeu, c'est malade. Il y a des consoles, il y a du rétro, ça vaut la peine. Ben, je dois féliciter Luc Biron pour le gars de la salle. Il a su trouver l'homme. C'est un gars qui... C'est un collectionneur. C'est un collectionneur et en même temps, c'est un patenteur au niveau des arcades. C'est lui qui répare ses machines. Tout le kit. T'sais, lui, il achète des vieilles arcades qui ne marchent pas puis tout le kit. Puis il répare lui-même. Fait que t'sais, on s'entend que c'est quand même une belle ressource à conserver dans ses contacts. Oui, oh yes. Juste pour ça, ça vaut la peine. Tournoi de cartes avec la gang de Carta Magica qui est de plus en plus présente depuis un an là, à J'Animé, qui est là à peu près dans toutes les conventions au Québec. On l'a vu à Québec Kimono ici, on l'a vu aussi à Nadechicon l'année passée, on l'a vu à Otakuton, J'Animé, c'est leur deuxième année, on l'a vu à Comic-Con aussi. C'est une belle gang, c'est vraiment le fun de les voir. Ils offrent vraiment des beaux prix souvent. Là. Je sais qu'à J'Animé, j'espère qu'à Québec Kimono cette année, j'avais pas remarqué pour les prix, mais c'était des prix, entre autres, c'est des consoles là, qu'on offrait ou en y a des tournois, là, c'est des beaux prix. Effectivement, puis quand ils se déplacent dans des festivals, ils ont quand même une bonne réception. Moi, la seule chose que je me demande, est-ce que Carta Magica a des projets d'expansion? Allons-nous voir des franchises ailleurs qu'à Montréal? On aimerait ça l'avoir ou qu'ils viennent s'associer. Bien, sûrement qu'ils doivent le faire, là, venir parler avec la gang, entre autres, du Donjon, là, qui est tout près de nous maintenant, après des nouveaux studios de Sequoia, là, ici. L'autre bord de la rue. Bref, nous, on est maintenant en face de Gabriel Leroy. Ils sont là. J'espère qu'ils pourraient aller les voir, organiser des trucs avec eux autres. Bref, Carta Magica sont là encore cette année à J'Animé. La mascarade, encore une fois, le concours de costumes, qui est très sérieux, hein, je vous le rappelle. Moi, de plus en plus, j'apprécie de plus en plus la mascarade. Avant, j'y allais pas, mais ça fait deux fois que je participe aux équipes de sécurité, entre autres à Otakuton, puis dans d'autres festivals. Puis je pourrais vous dire que moi, j'apprécie de plus en plus, entre autres, le travail qui est fait, mais le show que ça donne. C'est vraiment excellent. Puis ils ont des bons animateurs. Encore une fois, il va y avoir sûrement Narf, la brigade SNW, qui va être là, qui a fait Otakuton cette année, qui a eu très bon animateur. Je suis surpris. J'avais déjà parlé quelques fois avec Narf et je trouvais des fois qu'il était peut-être too much, si vous permettez le terme. Mais quand on lui donne un rôle d'animateur, il prend très bien ça au sérieux. Il fait une petite touche d'humour, mais t'es tout en restant. Ouais, t'as très bon. Moi, j'ai été dans le cadre qu'on doit, qu'il doit je, être. Je suis toujours content de le voir en animation. C'est toujours très, très bon. Très sympathique, le gars, d'ailleurs, si vous le voyez en festival. Et aussi, le concours d'AMV, donc de Anime Music Video, qui va être encore là cette année pour les gens qui sont intéressés à aller sur le site de G-Anime. Tapez G-Anime sur Google. Vous allez trouver le site tout de suite. Un site qui est fait par notre bon ami Mathieu Charon, qui est technicien en chef. De G-Anime, qui est aussi un très bon gars. C'est lui qui s'occupe de la rediffusion web, qui s'est occupé aussi de la rediffusion. Lui aussi commence à s'impliquer de plus en plus dans d'autres festivals pour la plateforme technologique et toute l'équipe. Oui, c'est un génie, je l'aime bien. Donc, c'était pas mal ça pour les conventions. Ce qui s'en vient, on va. Bref, tenez-vous au courant, allez sur les sites internet. Et mesdames et messieurs, je vous annonce qu'on est en temps supplémentaire pour Puissance Maximale. On vous offre quelques minutes de plus en allant en musique pour une dernière chanson et en revenant avec mon coup de gueule personnel sur l'industrie du jeu qui s'en vient. Bref, on y va avec une chanson de notre ami Brental Floss. Bref, un artiste du web qui fait des parodies de chansons de jeux vidéo. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, ben, c'est Andrew qui me l'a fait découvrir et je te remercie encore, Andrew. Deuxième album qui s'en vient, préparez-vous. Oui, il avait dit qu'il allait commencer à sortir des petits candies là, dans le temps des fêtes pour son nouvel album. Déjà, il commence à sortir ses nouveaux t-shirts. Préparez-vous, ça s'en vient. Puis si je me fie aux derniers stocks qu'ils vont faire, ça va botter des derrière. J'ai hâte de voir le nouvel album. Ça s'en vient prochainement, les amis. Vous vérifierez ça sur Google et sur YouTube. Tapez Brental Floss ou disons Mega Man with Lyrics, Kirby with Lyrics, des trucs du genre. Vous allez tomber automatiquement sur Brental Floss. Alors on y va avec Kirby with Lyrics de Brental Floss. Et vous êtes à Puissance Maximale, 88.3 FM, c'est KIA. There he is. He's the buffo we call Kirby, and Dreamland's the place he defends. Ain't he cute? He's so cute! But he gets a little burpy because he devours all his friends. He's got an eating problem. If I saw Kirby coming, I'd probably say, quick, shit your pants if you can. Also pee, please! Better stop, poop, and roll, cause he won't eat you whole if you taste like a fresh batch of feces. Comes. Get your fat ass out of town, he would love you to be in his hole. Say your prayers, because once he wilts you down, he becomes you by stealing your soul. Then he'll go do your girlfriend. He'll inhale and impale you with teeth no one sees. He likes purple, so watch how you're dressed. Oh, Kirby's anti-Semitic and hungry as hell. He likes kids who eat kosher the best. Holy shit, Kirby's right outside the door, so go hide in the closet and weep. This is it, he'll eat us and then one more, so prepare for a death dark and deep. We're all dead thanks to Kirby. Soon we'll be Kirby doo-doo. Le cristal de Zagandar ne réussit pas à percer les murailles du château. Ah, sale verre baveuse! Mettez la puissance maximale! Puissancemaximale.com. Hey, hey, merci à François Gécouillard pour ce bel indicatif rétro qu'on a retrouvé dans les archives tout à l'heure en préparant l'émission. Merci à François. On salue le reste de l'équipe de Puissance Maximale qui n'a pas pu joindre à nous cette semaine. Guillaume, François et bien sûr... Vincent, j'avais Martin dans la tête, mais je sais pas pourquoi. Donc, salut Vincent, toi aussi, j'espère que tu t'occupes d'ailleurs, Vincent, qui va être papa. C'est une des raisons pourquoi on va le voir moins souvent à l'émission, mais qui nous encourage tout le temps, qui communique avec nous sans cesse. Maintenant, c'est l'heure de mon coup de gueule personnel sur l'industrie du jeu, et peut-être un peu celle d'Andrew. Préparez-vous, ça va faire mal. Ça va faire mal. T'sais, vous pensez tous que je suis dans un complet cravate pour me vendre, mais non, c'est à cause que je me suis habillé comme un éditorialiste de sport. Je vais gueuler et dire des choses incohérentes. Ouais, c'est ça, on va faire du trash radio. Et sans contenu. En bref, ce que je veux dire, en fait, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est un peu l'industrie du jeu vidéo qui, je trouve, personnellement, offre des bons produits, mais qui s'en va un peu côté qualité en descendant. Et je m'explique. On a des bonnes franchises. Entre autres, on parlait de Dragon Age tantôt. Là, c'est un peu ça qui m'a fait penser à ça la semaine passée. Des bonnes franchises qui vont des fois du mauvais côté. On l'a vu avec Dragon Age 2 ou d'autres franchises qui essayent de un peu de garder le cap ou de rester finalement dans l'industrie, mais que les joueurs suivent pas. Puis on essaie de relancer sans cesse des franchises ou des jeux comme ça. Et avec mon premier aspect de mon coup de gueule, le maudit multiplayer, le multijoueur qui est de plus en plus la chose à rajouter avec les franchises de jeux. On parlait tantôt de Dragon Age, moi ça me fait capoter. Un RPG de genre-là, surtout, c'est un single player. Excusez-moi, là, c'est du joueur tout seul, devant son ordi ou dans son salon, à jouer puis essayer de faire les quests. Je vois pas l'intérêt de racheter du multiplayer. Un autre truc, Assassin's Creed, j'ai essayé le multiplayer, j'avais pas été du tout, mais du tout accroché. J'ai pas trouvé ça le fun, pas en tout. Je veux dire, on en revient, là, des flag modes, là, avec les tireurs à la première personne, ces trucs-là. On en revient du multiplayer, mais moi, je trouve qu'on commence à le mettre à toutes les sauces, avec toutes les sortes de jeux, puis ça m'énerve. Mais le pire dans tout ça, c'est que des fois, une compagnie qui décide d'emmener une franchise vers le multijoueur peut carrément la tuer. Ouais. Je fais un exemple comme ça, c'est pas à 100% à cause de ça, mais quand même une partie. La série Shenmue. Je sais pas si tu connais la série Shenmue. Ça me dit quelque chose. C'est une vieille série qui était sur le Sega Dreamcast où on jouait Ryu, machin, que je me rappelle plus de son nom de famille. Que son père se faisait tuer par un méchant chinois pour une amulette du dragon et on devait partir dans une ville qui évoluait en temps réel, parler avec des gens, faire des combats, faire des courses folles en Quick Time Event. En fait, un jeu qui, à l'époque, était révolutionnaire pour le temps de la Dreamcast et que moi, personnellement, j'ai aimé beaucoup, beaucoup, que j'ai jamais pu jouer au 1, mais que j'ai fait le 2 à multiples reprises. Le 3 n'est jamais sorti. Pour deux raisons. De un, la série n'a pas assez fonctionné en Amérique du Nord. Encore une fois, ça revenait un peu à ce que j'ai dit pour Xenoblade Chronicles tantôt. Et la deuxième des choses, Sega s'était lancé dans le développement d'un MMORPG de Shenmue qui allait prendre probablement la place du 3 pour compléter le développement. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ni un ni l'autre n'a vu le jour. Parce que le jeu n'était juste trop mauvais. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est plate parce que des fois, il y a des bonnes franchises qui prennent cette tangente-là et qui tuent carrément le jeu. C'est ça. Mais moi, c'est un peu. On est dans l'ère du MMO, justement, du massive multiplayer game, là, où on est plein de monde. Mais moi, désolé, j'ai pas embarqué dans World of Warcraft. J'ai joué quand même un certain bout de temps City of Heroes. Qui est faite par NCSoft, qui fait la même gang que. C'est la même gang qui fait Guild Wars. Guild Wars 2 s'en vient d'ailleurs. Ouais, j'ai hâte de voir quand même. Mais tu sais, j'embarque pas. C'est un peu du hack and slash, mais avec des quests, là. Moi, ça me fait pas triper du tout. Mais je trouve que souvent dans le multiplayer, ça manque de profondeur dans ce genre de jeu-là. Moi, quand je joue un jeu fantasy RPG, je veux de l'histoire, je veux un scénario, je veux de la profondeur. Je veux pas juste aller me bâcher contre des gobelins. Personnellement, moi, c'est ça. Puis je trouve que présentement, on s'en va de plus en plus vers ça. Le multiplayer, moi, avec les shooters, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve un peu que les campagnes single player, là, ça manque de plus en plus. De viande dans les scénarios, il y a beaucoup trop ça là-dessus. C'est que les gens qui veulent avoir la paix et jouer tout seul chez eux, ils peuvent pas le faire. S'ils veulent avoir un peu de développement dans le jeu, obtenir des choses, mais il faut qu'ils le fassent en multiplayer. Puis moi, ça m'énerve. En tout cas, moi, de plus en plus, je trouve que ça prend trop de place dans l'univers du jeu. Ben, moi, je dirais que quand on regarde l'industrie du jeu, je trouve qu'on va. Comment je pourrais dire ça? En fait, je trouve que on a de moins en moins des grosses productions comme exemple, ben je vais citer le coup de cœur que beaucoup de monde a actuellement, Oblivion. On s'entend, Oblivion. Skyrim. On s'entend, Skyrim est sur les lèvres de beaucoup de gens. C'est un jeu excellent. Il est uniquement en solo. Une chance. Alors, j'avoue que peut-être un petit mode coop serait peut-être intéressant, mais. Ça, j'y avais pensé quand Oblivion était sorti. C'est que, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a trop de compagnies actuellement, je dis bien vraiment trop, qui mettent beaucoup trop l'emphase sur le multijoueur, et on voit ça fréquemment. Parce que dans le fond, les gros jeux qui marchent, les blockbusters actuellement, c'est les jeux de shooter. Et les jeux de shooter, pourquoi? Parce que le monde joue en ligne. Fait que tout le monde essaye de se dire « Ah, si je mets un jeu en ligne, je vais peut-être aller chercher un blockbuster. » Mais non! C'est pas ça le principe. C'est sûr que vous pouvez pas rivaliser avec Modern Warfare 3 ou Battlefield 3 ou dans des choses comme ça dans les jeux en ligne. C'est des jeux de tir. Ils ont déjà une catégorie de joueurs qui est préétablie depuis les années 90. C'est du monde souvent qui vont jouer juste à ce genre de jeu-là. Exactement. Mais t'es qu'est-ce qui est déplorable, c'est que même les jeux de stratégie s'en vont vers là. Tu sais, comme exemple, Age of Empires. Age of Empires, le dernier qui est sorti, c'est Age of Empires Online. Et on ne peut jouer qu'en ligne. Mais tu sais, Age of Empires, moi, je jouais pas en ligne. Je me tapais la campagne de Jeanne d'Arc, je me tapais la campagne des Templiers dans Age of Empires 3, puis dans Colonisation. C'est ça, mon trip. C'est comme Command and Conquer. À un moment donné, eux autres, ça a été bien, ils ont redirigé à un moment donné, mais tu sais, Command and Conquer, quand ils ont sorti Generals, je m'excuse, mais c'était pourri. C'était littéralement pour jouer en ligne. Tu sais, Des patchs. Sortez des patchs pour vos jeux. OK, ça, j'ai rien contre, mais faites pas un jeu juste pour ça, ça vaut pas la peine, c'est pas intéressant. Souvent, le produit, il est pas de qualité. Ça m'amène à un autre aspect, justement, le jeu en ligne seulement. Des jeux qu'on sort, on est obligé d'être connecté sur Internet pour jouer, ce qui donne des jeux, genre des problèmes, comme qu'on a eu l'année passée avec le PlayStation Network. Des pannes, ça arrive pas tout le temps, mais une panne qui peut arriver sur les serveurs d'un jeu, et voilà, tu peux pas jouer à ton jeu, t'as payé le gros prix, t'as payé le 60$ à la sortie du jeu, puis des fois même, il y a des jeux que faut que tu payes par mois, surtout dans les MMO. Mais de moins en moins, là, ça s'en va tranquillement. Il y a DC Universe qui a enlevé ça. Il y a justement City of Heroes, mais ils mettent la mode, genre on joue gratuit, mais si vous voulez avoir certains systèmes spéciaux, il faut payer des montants. Ça, à la limite, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est une méthode qui avait été introduite avec Guild Wars à l'époque. Ouais. Puis Guild Wars, le 1, a duré longtemps. Puis tu sais, c'est une méthode qui marche. Puis à mon avis, les MMORPG, pour vraiment assurer la longévité, c'est une méthode qu'il va falloir qu'ils prennent. Tu sais, juste voir World of Warcraft, ils ont mis un mode free-to-play jusqu'à un certain level pour essayer de réattirer du monde. Puis si tu veux jouer plus loin ou des choses comme ça, paye. C'est ça. Ça permet de donner une impression du jeu, mais aussi en même temps, permets-moi, Mike, de rapidement juste faire un détournement un peu de ton coup de gueule. On parle du multiplayer, tout ça. Je dirais, en fait, on peut même généraliser ça plus haut. Il y a une tendance à tout emmener en ligne, même les modes single-player. Ouais. Faisons juste penser à Skyrim sur PC. J'ai Skyrim, je l'ai acheté en version boîte, collectionneur. C'est un jeu single, j'ai pas besoin de jouer en ligne. Pourquoi faut que je passe par Steam? Mm. Si Steam est en panne, je fais quoi? Voilà. C'est tous ces éléments-là. Les joueurs qui veulent pas avoir de problème. Et si j'ai pas Internet, je peux pas installer le jeu. C'est ce genre d'éléments-là. Là, tu vas me dire, quand t'es joueur PC, t'as Internet. Oui, mais quand même. Moi, je trouve que c'est rajouté un... Mais il paraîtrait que ce matin, il perd de bonheur. Ce matin, il y a eu une panne à Québec au niveau de l'Internet. Je sais pas le fournisseur, mais c'est quelques personnes à mon travail qui parlaient de ça ce matin. Putain, mettons, exemple, je me suis levé à 4h du matin. Mettons. Pour une raison X, Y ou Z, j'ai eu un appel de mon travail, des choses comme ça, puis je dois être debout. Puis ça m'aurait tenté de jouer à Skyrim parce que je m'en rendors pas, puis qu'il n'y a pas Internet. Ben, faut que je parte le jeu en hors ligne. Il y a des risques que je perde mes succès. J'ai des risques que je perde ci. J'ai des risques que je perde ça. Voilà. C'est comme voilà. On devient trop dépendant finalement, tandis qu'on pourrait avoir tout ça sur notre machine comme avant. Exactement. Il y a des gens qui règlent le problème en allant chercher des... ils peuvent acheter le jeu, puis des fois, ils vont chercher des trucs craqués. Pour les gens que ça ne les intéresse pas d'avoir les succès puis les trophées, ils peuvent avoir quelque chose de craqué qui les empêche d'aller sur Internet, puis ils peuvent jouer quand même. C'est le même principe aussi comme les launchers. Il y a de plus en plus de jeux qui font des launchers. Il y en a certains que c'est des bonnes idées, comme Battlefield 3, c'est une excellente idée. Ça permet une recherche plus rapide, plus conviviale. On peut aller directement dans le navigateur sans voir à partir le jeu. Très rapide d'accès, c'est super à ce niveau-là, mais Anno 2070, pourquoi que j'ai un launcher pour appuyer sur play puis je dois m'en taper deux avant que le jeu y passe? C'est ça. Je veux juste jouer. Ça vient alourdir le processus pour commencer le jeu, puis en plus, il y a des risques de perte de données. Pourquoi se casser la tête avec ça? Ça en demande peut-être moins aux machines, peut-être qu'ils veulent justement que les machines personnelles, on parle PC surtout, là, ça soit plus facile pour les gens qui ont des PC moins performants pour pouvoir continuer à jouer plus longtemps sans avoir upgradé leur machine, peut-être. Mais moi, je trouve que personnellement, ça amène beaucoup d'inconvénients aux joueurs. Puis un autre petit phénomène aussi, dernier phénomène, puisque le temps avance, le phénomène des clés d'accès pour jouer en ligne à des jeux de combat. Exemple, Mortal Kombat. Puis on va repayer un montant en plus de notre jeu. Souvent, c'est autour de 10$, je pense. Mortal Kombat, lancement, c'était $14.95 pour jouer en ligne à un jeu qu'on vient de payer $60 à la sortie. C'est ça. Quand on achetait le jeu à $60, exemple, on avait, dans le fond, un carton avec un numéro tiré qu'on devait activer en ligne et il nous permettait ainsi de jouer en ligne. Et si on revend le jeu, la personne qui achète le jeu usagé, généralement à $49 ou $54 dans le cas d'un jeu récent, doit payer le montant forfaitaire de 14,95 sur le PlayStation Store pour pouvoir jouer en ligne à Mortal Kombat. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. On voit c'est ça. Sûr que côté sécurité pour les revendre des jeux, je peux comprendre à une certaine limite. Mais 15$, là, c'est du vol. C'est ça, tu sais, c'est ma foi assez étonnant, surtout que on parle de quelque chose sur la PlayStation 3, qui est une des consoles qui a été la plus dure à craquer. Je connais pas beaucoup de monde qui ont des Play 3 craqués. Donc, je trouve ça vraiment spécial que un jeu sur Play 3 ait ce type de protection-là. Xbox 360 sont capables de déterminer, sans avoir un code d'activation pour les jeux en ligne, si ta console est craquée ou pas. Voilà. Pourquoi que les fabricants de consoles ne mettent pas un système comme ça et arrêtent d'emmerder les joueurs qui ont des jeux legit? C'est agaçant. T'achètes un jeu, t'as hâte de jouer. Ben non, déjà, faut que tu tapes l'installation du jeu, faut que tu tapes l'activation du code en ligne, faut que tu tapes le download pour l'activation du en ligne. Des fois, la mise à jour. Des fois, la mise à jour. Et ça, c'est si le PlayStation Network il marche, parce que quand j'avais acheté Mortal Kombat, le PlayStation Network il marchait pas. Donc, tout ça, moi, ça m'amène à mon dernier point, finalement, mon coup de gueule. On a pas mal fait le tour là, du multiplayer obligatoire. Connexion Internet. Le online obligatoire de plus en plus qui nous empêche de jouer single player, sens du monde. Du multiplayer qui sert absolument à rien, qui viennent gâcher souvent les jeux. Mon dernier truc, moi, c'est les jeux incomplets. Je trouve que de plus en plus, on a des jeux qui sont pas complet sur les tablettes. On va venir tout, la semaine après, ils vont nous sortir un patch pour des problèmes. Skyrim, c'est un problème. Il y a des petits bugs, ça fait pas, tu sais, ça fait pas, il y a pas de problème de jeu majeur avec Skyrim présentement, mais il y a des fois il y a des jeux que c'est vraiment des bugs majeurs à la sortie. S'il vous plaît, repoussez ou travaillez fort, là, faites quelque chose. Mais je sais que dans les compagnies de jeux, ça travaille très fort, surtout pour les deadlines. Regarde, repoussez-le, votre jeu. Mais puis en plus, on a moi, les trucs aussi que j'aime pas, c'est les DLC, là, les trucs qui étaient téléchargeables. Là, comme Batman Arkham City, qui ont sorti le chapitre Nightwing une semaine Nightwing, après, qui est sorti le jeu. Command, là, puis ils vendent ça à 10$, 10-15$, puis des fois, c'est pas long. C'est là. 5 ou 10 minutes de jeu de plus. C'est ça vaut pas la peine. Fait que, on vient encore siphonner le joueur. Après, ben, c'est comme Mortal Kombat qui ont sorti quoi 4 combattants une semaine après. Ça, puis ils ont sorti Freddy Krueger il y a pas si longtemps. Pire erreur jamais faite, s'il vous plaît. Faites plus ça. Sortez plus de personnages de films d'horreur. Non. Donc, tu sais, il y a ça. Le contenu téléchargeable qui vient finalement essayer de compléter le jeu, mais finalement. Au prix qu'on paye, là, 60$ pour un prix, c'est le prix maintenant de base là, pour les nouveautés qui sortent en magasin. Ce serait le fun d'en avoir pour notre argent quand on l'achète neuf. Puis arrêtez, Capcom sont forts là-dessus, arrêtez de nous sortir des éditions bonifiées. Marvel vs Capcom 3, ouais, c'est ça. Je l'ai sur le cœur encore, Capcom. Ça va prendre un moment avant que j'en achète un autre. Ben, c'est ça, ils nous sortent ils sont bons, ils sont forts aussi avec les Street Fighter. Sortir une version bonifiée avec plus de personnages, des nouveaux modes, souvent même moins cher que le premier jeu. C'est comment remercier les fans de la première heure qui sont là à la sortie du jeu original. Marvel vs Capcom 3, c'est la version collectionneur que j'ai payé le gros prix. Et ils ont sorti le Marvel vs Capcom 3 Ultime. Puis dans le fond, les personnages, je les aurai jamais. Faut que je me rajette le jeu. Et il n'y a pas de version collectionneur. Et même s'il y en aurait une, pourquoi j'aurais à repayer le prix d'une collectionneur pour un jeu que j'ai déjà? T'sais, à la limite, sortez un DLC. À la limite, sortez un DLC ou quelque chose comme ça pour mettre une mise à niveau. Mais non, faut racheter le jeu complet. Faut toujours payer plus, hein. Je veux dire, après ça, les compagnies se demandent pourquoi il y a des joueurs qui essayent de pirater parce que ça devient trop cher et les gens sont pas capables de suivre. Je veux dire, en même temps, quand t'as pas les moyens, tu te le payes pas, j'avoue. Ça, c'est une règle un peu élémentaire, là. Mais je veux dire, quand vous offrez des produits, s'il vous plaît, arrangez-vous au moins qu'ils soient complets lors de la sortie, quand le monde paye le gros prix, puis les compagnies, puis ça, c'est pas juste les jeux vidéo, c'est dans le monde de la consommation en général. S'il vous plaît, récompensez vos clients de longue date, là. On a juste à penser aux cellulaires, là. Les compagnies cellulaires, c'est les pires dans ce mode-là, là. Je veux dire, même si ça fait 9 ans que t'es avec eux autres, ben, tu vas avoir les mêmes rabais qu'un nouvel abonné quand tu vas te racheter un téléphone. Même chose pour les jeux. Tu t'achètes la sortie, tu t'achètes la version originale, puis il faut quand même que tu repayes après le même prix que tout le monde, le gros prix, pour essayer d'avoir des suppléments. Moi, ça m'écœure. Personnellement, je trouve que le fidèle consommateur qui paye pour ses jeux, qui va en avoir pour son argent, ben, il n'est pas récompensé, malheureusement. Donc, Je pense que ça fait le tour de ce coup de gueule. J'en avais gros sur le cœur par rapport à ça. Puis je vois qu'Andrew, t'avais aussi quelques trucs à rajouter. Là. Je pense que tout le monde est un peu... je suis pas tout seul, je peux pas croire que je suis seul dans le monde du jeu qui est un peu curé de voir ça tout le temps, du fait qu'on paye, on paye, mais finalement, on vient toujours avec les mêmes choses. Mais je répète ce que j'ai dit la semaine passée. Si vous avez besoin d'un service de consultant, je suis toujours disponible. Michael Michaud aussi est disponible. Puissance Maximale est prêt à vous aider, monde du jeu, pour vous faire comprendre. On se cachera pas que c'est des business. Eux autres sont là pour faire de l'argent, pour faire nécessairement un plaisir à tout le monde. Mais ce serait quand même bien qu'ils le fassent. Mais on peut être là peu. Comme consultant, donner notre opinion. Pour les avertir. Donc, ben, et voilà. C'est déjà tout, mesdames et messieurs. Vous avez eu un 25 minutes de plus de Puissance Maximale cette semaine parce qu'on vous aime puis on voulait vous donner encore plus de matériel sur le monde du jeu et le monde geek, finalement. Alors, je voudrais remercier mes collaborateurs cette semaine, M. Andrew Castegan. Toujours un plaisir. Ben, j'espère bien. Merci pour ta critique et d'avoir participé aux discussions comme ça. Merci à Vanessa Maillot qui est à la console, notre stagiaire. Ça fait plaisir. Merci Vanessa. Et mon nom à moi est Michael Michaud, votre humble serviteur à l'animation à Puissance Maximale. C'est un site aussi site internet www.puissancemaximale.com et on était sur les ondes de CKIA FM à Québec 88.3. Vous pouvez toujours vous renseigner sur le site pour... le lancement de Sequoia finalement à Québec. Alors, on vous souhaite à tous une bonne semaine de jeu. All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify, it's D&D. Virgins till the day we one, two, three, four, yeah!